Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Comme chaque jour désormais au cœur de l'histoire, c'est un auditeur qui a choisi le sujet dont parle Franck Ferrand et son invité. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Aujourd'hui, Stéphane ou Stéphane de Perpignan nous suggère de parler des trains Pullman aux États-Unis. L'idée lui est venue à propos de cette affaire des TER qui sont trop larges. Vous savez, il faut raboter les quais des gares de banlieue, etc. Et Stéphane nous raconte l'anecdote suivante. Je le cite. Monsieur Pullman avait conçu un train au confort amélioré et de ce fait plus large que les autres. Mais lors du trajet inaugural, après la deuxième ou troisième gare, on s'est rendu compte que le train ne passait pas. Pullman a commencé à perdre tous ses contrats, il a connu une traversée du désert et puis, lors de l'assassinat du président Lincoln, l'idée lui est venue de proposer son convoi trop large pour transporter la dépouille du président. Son argument étant que le défunt président méritait une voiture à sa dimension. Alors, la Maison Blanche a demandé aux exploitants d'élargir les quais sur le trajet Washington-Springfield et à partir de ce moment, les trains Pullman ont connu le succès que l'on sait. Merci, cher Stéphane, pour cette anecdote. On va y venir dans un instant. Je vais vous raconter ça un peu plus en détail. Et je me suis dit que, en partant de Pullman, nous devions pouvoir élargir le sujet, parler aussi d'un homme que M. Pullman a beaucoup inspiré. C'est George Nagelmackers, l'inventeur de l'Orient Express. Et pour évoquer cette époque héroïque des chemins de fer, j'ai invité le spécialiste de la question, qui est aussi un ami d'au cœur de l'histoire, Jean Descartes. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Valérie. Oui, Valérie voudrait savoir pourquoi on a installé la présidence de la République dans l'hôtel parisien de l'Élysée. Eh bien, je lui répondrai bien volontiers. Pour le moment, place aux belles boiseries, aux cristaux rares, aux thés raffinés, aux passagers distingués filant vers un Orient vaporeux et moite. Place à l'Orient Express. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il reste 4 jours, pas un de plus, pour aller visiter à l'Institut du Monde Arabe, à l'IMA, vous savez, au bord de la Seine, là, d'aller visiter la belle exposition « Il était une fois l'Orient Express ». Je vais vous faire un aveu, quand je suis allé la visiter, cette exposition, c'était avant les vacances. J'étais à peu près certain de tout savoir de ce train de légende. L'Orient Express est quand même un des mythes essentiels du XXe siècle, un symbole paradoxal de confort et d'exotisme réunis. Eh bien, disons-le, cette expo a réussi non seulement à me passionner, mais à me surprendre par sa dimension contextuelle et culturelle, par sa scénographie très intéressante, mais aussi par ce qu'elle raconte, à commencer par l'aventure inouïe de l'inventeur, du fondateur de l'Orient Express, donc ce fameux George Nagelmackers. Alors, avant de parler de George Nagelmackers, j'aimerais peut-être vous dire justement quelques mots d'un autre George, sans S celui-là, dont il s'est lui-même beaucoup inspiré, qui lui a donné finalement l'idée de l'Orient Express. Cet autre George, George Mortimer Pullman, était le fils d'un mécanicien. Il était né dans l'État de New York. Il naît au premier tiers du 19e siècle, en 1831. C'est quelqu'un qui a un esprit très extrêmement pratique. Il n'a pas fait de longues études. Il a quitté l'école tôt, à 14 ans. Il est allé travailler dans un magasin de matériel agricole. Et pour ses affaires, parce qu'il va bientôt monter d'assez grandes affaires, notamment il va se spécialiser dans le transport de lourdes charges, et peu à peu dans le transport de bâtiments, figurez-vous. Il déplaçait, il faut bien être aux États-Unis pour imaginer les choses pareilles, il déplaçait sur vérin des immeubles entiers. On raconte une anecdote que Jean Descartes raconte dans son dictionnaire amoureux des trains, on va y venir tout à l'heure. On raconte qu'il avait déplacé carrément à Chicago l'hôtel Tremont House. On disait, sans que les clients de l'établissement bougent de leur chambre, ni du bar où, paraît-il, aucun verre n'avait été renversé. Vous imaginez un peu, bon, il faut faire la part de ce qui, à l'époque, était la réclame extraordinaire, cette publicité envahissante dans les États-Unis de l'époque. Mais En attendant, ce George Pullman passe son temps dans le train, parce qu'il faut pour ses affaires qu'il voyage beaucoup, etc. Et il y a une chose qui l'exaspère, c'est la très mauvaise qualité des transports, et notamment des transports de nuit. Vous savez, quand vous avez de très longues distances à parcourir, il est très bon de prendre des trains qui partent le soir et qui arrivent au petit matin. Le problème, c'est que s'il n'y a pas, si les trains en question sont mal équipés, évidemment, vous passez une sale nuit. Ce qui était très souvent le cas de ce pauvre George Pullman. Alors, il s'est dit que puisque ça n'existait pas, eh bien, il allait l'inventer. Je sais pas si vous, moi, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens comme ça, des espèces d'inventeurs incroyables qui, lorsqu'ils constatent un manque dans la société, lorsqu'ils constatent une faille ou un défaut, non seulement ne s'en plaignent pas, mais au contraire s'en félicitent parce qu'ils vont s'empresser de le combler. Eh bien, c'est exactement le genre de personnage, Pullman. Alors, il va acheter deux voitures dans un premier temps, des voitures qu'il achète à la compagnie Chicago Alton and St. Louis Railroad, et ses voitures avec son frère, parce qu'il se trouve que son frère est charpentier et très bricoleur, si je puis dire. Il va réaménager l'intérieur des voitures avec des sièges extrêmement confortables. C'est pas encore tout à fait les fameux fauteuils Pullman, mais enfin, on n'en est pas très loin, avec des tentures. Enfin, on essaie de rendre les voitures le plus agréable possible, et puis des sièges surtout qui sont à dossier inclinable, ce qui permet de dormir pendant la nuit. Bientôt, il ira plus loin, il inventera des banquettes qui, lorsqu'on les tire, se transforment carrément en couchettes. Il aura inventé tout simplement le train couchette. On n'en est pas tout à fait là. Alors, les deux frères mettent leur voiture en service à l'automne 1859, entre Bloomington et Chicago. Ça reste un peu, quand même, c'est un peu spartiate, hein. Il faut pas, on est très très loin des futures voitures Pullman pour l'instant. Mais enfin, c'est déjà une amélioration sensible du transport de nuit par voie ferrée. Arrive là-dessus la guerre de sécession. En 1863, il a quand même fait une petite fortune, notre Pullman. Il est à la tête de 20 000 $, ce qui va lui permettre d'investir dans son grand projet. Ça, c'est toujours comme ça. Au début, il s'est dit, on va fabriquer une voiture qui permettra de voyager la nuit. Et puis, petit à petit, il s'est dit, mais cette voiture, on doit pouvoir la perfectionner. Et puis alors, bien sûr, avec son esprit très fertile, il s'est mis en situation d'inventer, alors là, vraiment, la première voiture de luxe de l'histoire. Peut-être pas de l'histoire des chemins de fer, parce qu'il y avait déjà les trains royaux et impériaux. Mais en tout cas, la première voiture de luxe destinée au public. Cette voiture, il va la baptiser la Pionnier en anglais. Et alors, il la veut superbe. Alors là, cette fois, on utilise la cajou, on utilise la ronce de noyer, on a des lits magnifiques, enfin, etc. Le problème, c'est que la voiture, pour être très confortable, pour ressembler à un véritable salon, eh bien, elle est beaucoup plus grande, notamment beaucoup plus longue et beaucoup plus large que prévu. Alors, la largeur, ça pose un problème pour arriver dans les petites gares de province aux États-Unis. Et puis, la longueur, ça pose un problème dans les virages. Est-ce que le train va pouvoir emporter la voiture en question? Disons les choses, la Pionnier ne peut pas rouler. Elle est d'un gabarit trop important. Notre George a vu trop grand. D'ailleurs, tout le monde se moque de lui, évidemment. Il fait la une de la presse locale. On rigole. Tout le monde dit vraiment, il n'a pas été très prévoyant. Et puis, et c'est ce que nous racontait notre auditeur, Stéphane, c'est vrai ce qu'il nous racontait. Il va y avoir cet événement incroyable de la mort par assassinat du président Lincoln, et il faut ramener le président Lincoln de Washington dans son Kentucky. Et bien entendu, on ne peut pas le ramener, à l'époque il n'y a pas d'automobile, hein, et on ne peut pas le ramener dans un train ordinaire. Il faut une très belle, très grande voiture. Et le colonel qui est chargé d'organiser cet acheminement, qui s'appelle Bowen, ce colonel se dit, mais pourquoi pas utiliser l'espèce de voiture qui est trop grande? Ben oui, le problème de la voiture en question, c'est qu'elle ne passe pas dans les gares. Eh bien, que cela ne tienne. Là, cette fois, il s'agit d'un convoi présidentiel. Si la voiture ne passe pas, eh bien, on va écarter, on va changer les rails, on va changer les gares. Et voilà comment la Pionnier va ramener chez lui le corps du président défunt. Ça, c'est pour le voyage aller. Mais évidemment, il va y avoir un voyage retour. Et ce qu'il y a chez Pullman, c'est que cet homme était très intelligent, qu'il était très habile. C'était surtout un génie de la publicité. Et puisque maintenant, il faut ramener la voiture à Washington et qu'elle roule, il y a la place, alors là, il va monter une campagne publicitaire extraordinaire. Et dans chaque ville, chaque village traversé, il invite les notabilités à monter à bord, à venir admirer la splendeur de cette voiture, plus luxueuse que tout ce qu'on n'avait jamais pu voir jusqu'alors. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages sur l'Orient Express, par mail, sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du créateur de l'Orient Express, Georges Nagelmakers. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au créateur des grands trains de luxe européens et notamment de l'Orient Express, Georges Nagelmakers. Alors ce Georges Nagelmakers, il se trouve aux États-Unis dans les années 1870, justement, il voit fonctionner les premiers très beaux trains Pullman. Lui, il va savoir ce que c'est que le confort Pullman et il trouve ça extraordinaire parce que on n'a rien de tel en Europe à cette époque. Alors ça, c'est une deuxième catégorie d'hommes d'affaires aussi, ce sont ceux qui vont chercher leurs idées aux États-Unis. Il y en a pas mal non plus, hein. On pourrait faire un catalogue. Bon, alors ce Georges Nagelmakers, vous allez me dire, que fait-il aux États-Unis? Bien, il a eu la mauvaise idée de tomber amoureux de sa cousine, figurez-vous. Alors ça faisait un peu tâche dans sa famille. Il n'était pas question d'accepter une telle alliance. Très bonne famille belge, hein, il faut préciser. Une des grandes banques d'affaires belges porte ce nom, hein, de Nagelmakers. Donc on est chez des gens très très en vue et qui ne veulent pas du tout. Alors que fait le père dans ce cas-là? Vous savez, dans ces grandes familles, quand il y a un garçon qui se comporte pas très bien, bon, on l'envoie faire un voyage généralement. On se dit, ça lui changera les idées. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui va se passer. Alors on l'envoie avec un chaperon. Et pendant sa traversée d'ailleurs, ça c'est très intéressant, sur le transatlantique qui emmène le jeune George, avec un S cette fois, aux États-Unis, il va croiser Monsieur Cunard, le fameux homme d'affaires qui va monter les lignes transatlantiques, vous savez. Et quel est leur sujet de conversation? Précisément, le confort, le voyage, la façon de voyager de la façon la plus confortable possible. Voilà, d'une certaine manière, il était déjà, par cette rencontre inopinée pendant son aller aux États-Unis, il était déjà tout à fait prédisposé à ce qu'il allait découvrir sur place, c'est-à-dire ces extraordinaires trains Pullman. Alors, il découvre notamment les trains de nuit, hein, avec ces banquettes qui constituent comme des espèces de compartiments et qui permettent, lorsqu'on les tire, de se transformer en couchette. On tire un petit rideau et puis on est chez soi dans son compartiment. Alors, dans les trains couchettes de l'époque, aux États-Unis, qui sont des trains beaucoup plus larges d'ailleurs qu'en Europe, on parlera de tout ça avec Jean Descartes, le couloir est central. Mais ce que se dit Georges Nagelmakers, c'est qu'on doit pouvoir faire mieux que ça. On doit pouvoir déplacer le couloir sur un des côtés du train et rendre chaque compartiment parfaitement indépendant avec sa porte et pourquoi pas même avec son cabinet de toilette. Alors dans un premier temps, il se dit qu'on doit pouvoir installer des salles de bain puisqu'il l'a vu ça chez Pullman. Et puis avoir des toilettes également qui correspondent à chacune des cabines. Bref, Georges Nagelmakers est en train d'inventer un nouveau moyen, une nouvelle façon de voyager. Et quand il va rentrer en Europe, en Belgique, alors il est complètement passionné. Le 20 avril 1870, il publie une brochure dont Jean Descartes nous dit qu'il n'existe plus qu'un exemplaire aujourd'hui, mais qu'elle est d'une extrêmement précieuse, puisque voilà le titre de la brochure: projet d'installation de wagons-lits sur les chemins de fer du continent. C'est une brochure en français, le terme wagon-lit est en français, il est appelé à faire florès, puisque ce terme wagon-lit, vous pouvez le prononcer dans n'importe quel pays du monde, tout le monde le comprendra, bien entendu. Alors, il lui faut des fonds à Nagelmakers. Vous avez compris qu'à mon avis, il n'a pas eu grand mal à les trouver, les fonds en question. Il lui faut des soutiens également, des soutiens politiques. Et là, les relations de sa famille également vont lui servir, puisque le roi Léopold II, c'est le roi Léopold II, c'est cet extraordinaire entrepreneur, c'est ce roi des Belges tout à fait extraordinaire qui, à la fin du 19e siècle, au tournant du siècle, on va dire, à la belle époque, a modernisé considérablement la Belgique. Eh bien, Léopold II se passionne pour cette histoire et il donne à Nagelmakers, au jeune Georges, mission d'ouvrir une première ligne entre Bruxelles et la capitale autrichienne et Vienne. C'est la grande ligne principale de l'époque, hein. C'est la ligne évidemment de la bonne et de la haute société. La compagnie des wagons-lits est fondée en novembre 1872 et là encore, ce n'est qu'un début, parce que bien entendu vont être multipliés les projets. On va voir bientôt naître un Nord Express, un Sud Express, et puis celui qui nous intéresse bien entendu, dans l'autre ordre d'ailleurs, parce que ça a été le premier, en 1883, un Orient Express. Le 4 octobre 1883, écrit Jean Descartes dans le catalogue de l'exposition « Il était une fois l'Orient Express », si on se presse autour du convoi le long d'un quai de la gare de Strasbourg, c'était le nom qu'on donnait à l'époque à la gare de l'Est, c'est bien sûr d'abord à cause du matériel entièrement nouveau. Des voitures-lits et une voiture-restaurant toutes en bois de teck constituent une spectaculaire innovation. Dormir en roulant dans un vrai lit, s'y restaurer grâce à un chef de cuisine, une brigade à bord, du jamais vu en Europe en dehors de quelques essais préalables. Mais on veut surtout comprendre et imaginer que cette rame va emporter 24 voyageurs privilégiés à destination de la féerique Constantinople, l'antique Byzance dont nous parlions ici même hier, Céline, capitale d'un empire ottoman dont plusieurs puissances se disputent déjà les lambeaux. Une expérience tout à fait extraordinaire, un peu dangereuse même, au point que, dit-on, les messieurs avaient mis quand même une arme dans leur bagage, sait-on jamais. Si l'Orient Express nous fait tous rêver depuis des décennies, écrit Guillaume Pépi, le président de la SNCF, c'est aussi parce que la légende s'est emparée de ces locomotives et voitures qui sillonnaient notre continent et nous rapprochaient de l'Orient. La légende de ces voyages incroyables, semés d'embûches, les récits de voyageurs mystérieux tels Laurence d'Arabie, Mata Hari ou Marlène Dietrich. Et quand le mythe dépasse la légende, ce sont ces personnages de fiction qui investissent le train et notre mémoire, tels Hercule Poirot ou James Bond. De la bande originale du film Le Crime de l'Orient Express sur Europe 1, composé par Richard Rodney Bennett. Un très joli film, disions-nous. Bonjour Jean Descartes. Bonjour Franck. J'ai quelques scrupules à vous avoir littéralement pillé pour le récit de cette émission d'aujourd'hui. Puisque vous l'avouez, ça va. C'est notamment dans votre dictionnaire amoureux des trains qu'on trouve tous ces détails sur les deux Georges, hein, le Georges sans S, Pullman, l'américain, et le Georges avec un S, le belge, Nagelmakers, qu'on ne connaît pas très bien finalement. Non, et si on ne connaît pas, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de lui dans ce livre édité chez Plon, et c'est pour lui rendre justice. Pourquoi ? Parce que l'entreprise qu'il a fondée, la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, ne porte pas son nom, son patronyme, à l'inverse de Pullman, qui a créé la Pullman Car Company, et tout le monde sait, depuis des décennies, ce qu'est une voiture Pullman, un train Pullman, un fauteuil Pullman, y compris dans les théâtres, etc. Nagelmakers, ce mot un peu difficile pour des oreilles francophones, n'est resté celui d'une banque d'affaires, et c'est très injuste. Je me suis battu, et j'en suis très fier, pour que le nom de Nagelmakers entre dans le dictionnaire Larousse et dans le Robert, parce que c'est un Pullman européen. Alors, ce qui est intéressant, c'est de penser que cet homme n'est pas ingénieur, mais qu'il a une notion du confort pour les grands voyages, en se disant, comme Pullman, les espaces étant très vastes, quand on doit voyager à l'époque 4, 5, 6 jours pour traverser les États-Unis minimum, si je conçoit un train pour traverser l'Europe, il faudra qu'il soit très confortable. Et la première raison de la magie de l'Orient Express, je tiens à le préciser, c'est que c'est le premier train international au monde. Autrement dit, on montera au départ, disons Paris, pour descendre en 1883, ça n'est pas tout à fait terminé, mais il va dire 1889 à Istanbul, Constantinople, sans avoir à changer de train, sans correspondance. C'est donc le premier train international au monde. Il suffit de montrer son passeport, ses visas éventuels, ses titres de transport, et on ne descend qu'à l'arrivée. C'est une révolution du chemin de fer. C'est donc le premier élément original de l'Orient Express. J'ai découvert ça dans l'exposition l'autre jour. C'est qu'en fait, la compagnie se chargeait de toutes les formalités. Alors, faisiez les formalités une bonne fois au bureau avant de monter à bord. Et ensuite, vous n'aviez plus de douaniers, plus rien. Alors, on pouvait quand même descendre. Oui. Simplement, les passagers n'avaient pas le droit de sortir de la gare. Ce qui est normal, évidemment. Il y avait une sorte de limite géographique, diplomatique, nous dirons. Mais il y a un deuxième élément qu'il faut avoir bien en tête, c'est que Nagelmackers construit ce matériel à ses frais. Parce que à l'époque, nous disons aujourd'hui le chemin de fer, mais ce sont les chemins de fer. Oui, ce sont des compagnies privées. Des compagnies privées, voire semi-étatiques. Par exemple, en Autriche, Hongrie, vous avez les chemins de fer de l'État autrichien, puis les chemins de fer de la compagnie de l'impératrice Elisabeth, de l'empereur François-Joseph, etc. Donc, il a fallu qu'ils construisent. Il l'avait fait avec des essais, ce matériel à ses frais, sur lequel il perçoit une rente payée par le voyageur, reversée par la compagnie. Et dans le fond, ce qui circule, c'est un matériel entièrement privé, le sien. Seule la locomotive appartient au pays traversé selon le trajet. Et là, Nagelmackers a dû faire une œuvre de patience diplomatique gigantesque, parce qu'enfin, il y a au moins 15 frontières, à commencer par le problème de la frontière française, puisque l'Empire allemand occupe l'Alsace-Lorraine, donc ça commence à Metz. Et donc, les problèmes aussi d'approvisionnement en eau, en charbon, la signalisation qui n'est pas homogène, l'état de la voie qui, dans certains pays, Roumanie, Bulgarie, c'est pas une insulte de le dire, mais enfin, n'est pas tout à fait conforme. Il y aura des accidents, des retards, etc. Donc, c'est un pari sans précédent. Et quelles frontières ? Parce que ces pays des Balkans, évidemment, ne sont pas sécurisés, comme nous disons nous aujourd'hui. Non, et alors ce qui est drôle, c'est que très rapidement, l'Orient Express devient évidemment un sujet, voire un objet de curiosité, et le tsar des Bulgares, Ferdinand Ier, va mettre un point d'honneur à conduire la locomotive du train lorsqu'il traverse le territoire bulgare. Alors c'est assez dramatique, parce que, évidemment, Sa Majesté fait arrêter le train au premier poste frontière, descend de sa voiture, passe une combinaison en blanc, qui est tout à fait indiquée quand on travaille dans la machine à charbon, comme vous le pensez, se met à la place du chef de traction, actionne le levier d'admission de la vapeur, devant les regards effarés et les protestations du personnel, du mécanicien et du chauffeur, mais comme c'est le roi, le tsar des Bulgares, personne ne dit rien, enfin personne. Les gens vont protester parce qu'il y a des à-coups, des mauvais freinages, des démarrages en patinant. Bref, c'est vraiment... on est revenu au char à bœuf. Alors pour calmer tout le monde, le tsar va envoyer des décorations, mais ça ne suffit pas. Et finalement, on lui apprendra que ce n'est pas un jouet. C'est intéressant de penser au syndrome du jouet du train électrique pour les adultes. Dernier point, le prince Bibesco, dans la même Roumanie, sera très heureux de dire dans les salons parisiens: l'Orient Express met 45 minutes à me traverser pour dire que le train roulait sur ses terres. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire de l'Orient Express cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Jean Descartes, historien, journaliste et écrivain, auteur notamment du Dictionnaire amoureux des trains aux éditions Plon. Nos auditeurs sont là également avec des questions. Et oui, il y a des questions sur Twitter aujourd'hui, figurez-vous. Alors César notamment nous demande pourquoi la gare de Strasbourg est devenue gare de l'Est alors que, par exemple, la gare de Lyon n'est pas devenue gare du Sud. Là, il y a une raison politique, Jean Descartes, il faut l'expliquer. Il y a une raison politique, malheureusement, c'est la défaite de la France en 1870. Donc la gare de l'Est, ça voulait dire l'Est français, mais la frontière allemande, impériale allemande, commençait à Metz à peu près, hein, pour résumer. Donc on a décidé de la débaptiser. Ce qui posait un problème technique supplémentaire, auquel on ne pense pas toujours, c'est que en territoire germanique, les trains roulent sur la voie de droite et non sur la voie de gauche, et comme oui, en France et au Royaume-Uni. Donc la circulation est inversée. Et je peux vous dire qu'au moment de l'inauguration du TGV Paris-Strasbourg, en tout cas sur la ligne à grande vitesse, certains ingénieurs auraient dû réviser leur histoire et ne pas oublier que les trains en territoire germanique longtemps, jusqu'en 1918, puis à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale, roulent à droite, ce qui fait que pour les trains allemands, les conducteurs aussi, la circulation est inversée. Julien nous demande par ailleurs pourquoi ces gares n'étaient-elles pas modifiables, demande-t-il. Mais alors, c'est pas qu'elles ne sont pas modifiables, c'est que l'écartement des, enfin, la distance des quais. Alors il y a deux choses différentes. L'histoire du George Mortimer Pullman, le pionnier, cette voiture était effectivement trop large parce qu'il n'était pas ingénieur. Alors il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, c'est la largeur des voies et le gabarit des voitures. Voilà. Là, il s'agissait du gabarit des voitures et notamment des marchepieds. C'est-à-dire, parler clairement, la voiture est trop large, elle ne peut pas passer. Voilà. Ou alors va empâter sur le quai et dans les tunnels, va accrocher et provoquer des accidents. C'est un problème de cahier des charges. Je vous ferai remarquer que le gabarit des trains britanniques n'est pas le même que celui des trains européens continentaux, et ce qui fait qu'ils ne pourraient pas rouler sur le territoire européen. C'est un problème d'empattement. De même, et alors là nous avons le double inconvénient, si je puis dire, en Russie, la voie est plus large, près d'1,60 m, pour des raisons de sécurité, ce qui fait que l'empattement des voitures, le gabarit, est beaucoup plus large et que les trains russes sont gigantesques. Et beaucoup plus confortables, du coup, ça donne une impression. Oui, parce qu'on a plus de place. Oui, c'est voilà, moi qui anime encore prochainement un voyage dans un transsibérien spécial. Je peux vous dire qu'on apprécie d'avoir de la place. Comme dans un salon. Et comme disait Léon Tolstoï, à peu près, c'est dommage qu'Anna Karénine se soit tuée sous un train, ils sont si beaux. Elle était très belle aussi. Nos deux personnages, nos deux Georges, ne sont pas des ingénieurs du reste. Il faut bien le signaler. C'est intéressant. Mais c'est une époque où on peut entreprendre beaucoup de choses, notamment aux États-Unis. Il suffit d'avoir des idées. Alors l'astuce de George Nagelmacher, c'est d'être un gentilhomme européen qui dit « Bon, c'est très bien cette façon de dormir lorsqu'on appellera les « sleepers » et non pas les « sleeping cars », ce qui sera une expression francisée, si je puis dire. Mais la pudeur est offensée. Il n'y a aucune intimité. D'ailleurs, on raconte le voyage d'une lady britannique qui se plaint auprès du contrôleur américain du côté de Chicago en disant « Mais enfin, c'est effrayant, tout le monde a pu me voir en train de me déshabiller. Et personne ne se plaint, dit le conducteur. Eh bien, ça prouve que tous les gens sont des obsédés. » George Nagelmacher, ça a retenu l'idée de l'intimité. C'est pour ça qu'il aura l'idée de la cabine de voiture-lit, comme vous le rappeliez, Franck, avec un couloir latéral, mais il faudra des années pour qu'on ait un compartiment, ce qu'on appelle single. Ça n'apparaîtra réellement qu'après la Première Guerre mondiale sur le train bleu, pour que les femmes seules notamment puissent avoir un lit à elles seules. Alors, en Europe, les grands pionniers du chemin de fer, ce sont les Britanniques, suivis de très près par les Français, il faut le dire. Mais là, c'est bien un Belge qui va créer ses compagnies. Et c'est en fait un Belge qui va donner à l'Europe... Comme par hasard, ses compagnies internationales. Compagnies internationales. Et vous rappeliez effectivement le soutien du roi Léopold II, personnage extravagant, mais qui voulait que la Belgique cesse d'être un petit pays. Il a souscrit dans l'étude de Maître Van Alteren, notaire à Liège, à la constitution de la société, d'abord de wagons-lits, comme on disait avant, des wagons-lits, et il a tout de suite vu un côté international et des grands express européens, ça va venir ensuite comme mention. Déjà, George Nagelmacher pense à une Europe sans frontières, une Europe ferroviaire, et voyez-vous, il était très en avance et on y revient aujourd'hui. Alors, il avait compris aussi la nécessité de globaliser les prestations. Et notamment, il avait créé une compagnie d'hôtels qui permettait, par un forfait, de voyager et de résider avec le même billet. Alors, c'est très intéressant parce qu'il a eu une idée, cette fois-ci un peu trop en avance, la compagnie internationale des grands hôtels, où il invente le forfait voyage, séjour, tout compris, parce qu'il se disait, bon, les gens descendent de mes trains de luxe, en l'occurrence le train express d'Orient, mais il y a beaucoup d'autres, et puis ils tombent dans des hôtels qui sont des pièges, ou qui sont bourrés de cafards, de puces, sales, etc. Et on lui avait raconté une histoire qui est assez cocasse, en disant qu'à la gare de Istanbul, à la gare de Circassie, la gare européenne, on attendait le client. Et qui attendait le client? Des voleurs en général. Alors il y avait trois personnes qui étaient assises, il y avait un Grec, il y avait un Turc, un Arménien. Alors le Grec disait « Tiens, voilà un clergyman qui doit avoir de l'argent, je vais voler son portefeuille. » Le deuxième personnage, voleur, disait « J'ai pris son portefeuille. » Et le troisième, l'Arménien, disait « Je t'ai pris son portefeuille. » Donc pour remédier à cela et avoir une harmonie de réception et de qualité de service, ils fondent la compagnie des grands hôtels, dont le Pera Palace, qui sera cher à Agatha Christie, est un des fleurons. Mais malheureusement, à l'époque, avant 1914, personne n'a compris l'originalité de cette idée. Oui, il y avait là un vrai un bouillonnement. Hein. C'est assez extraordinaire. On avait l'impression que les frontières, pour la première fois... Oui, mais vous avez un cas dans les hôtels, sur les Champs-Élysées, dans l'ancien immeuble d'une grande banque. Vous aviez l'Élysée Palace, en haut des Champs-Élysées, montant à gauche, qui était l'hôtel de la compagnie Wagon-Lit à Paris. C'est dans cet hôtel que sera arrêté, d'ailleurs, Matahari, pendant la Première Guerre mondiale, qui avait bien une silhouette à prendre l'Orient Express. Oh là, oui, et qu'il l'avait pris, du reste. Hein. Alors, j'ai dit que Pullman avait un sens de la communication très développé, qu'il avait des publicités, qu'il était une sorte de publicitaire dans l'âme. C'est un peu le cas de Nagelmackers aussi, qui sait y faire avec les journalistes. Hein, oui, il sait y faire, parce que il a eu l'idée pour ce premier voyage qui démarre le jeudi 8 octobre 1883 d'inviter parmi ses 24 passagers deux journalistes, l'envoyé spécial du Times, Hopper de Blowitz, et l'envoyé spécial du Figaro, Georges Boyer, et un romancier, Edmond Tabou. Ce qui fait que ces personnages vont raconter à leurs millions de lecteurs 15 jours plus tard, cette chose ahurissante, comment j'ai été à Istanbul et comment j'en suis revenu. En très peu de temps. En très peu de temps. Il faut dire que ça tient de Jules Verne. Nagelmackers, pour moi, est un personnage digne de Jules Verne et de Phileas Fogg. N'est-ce pas? C'est un visionnaire qui pense que la vitesse et le confort sont les meilleurs moyens de communication entre les hommes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait chez ces pionniers des lignes de chemin de fer, il y avait une volonté politique en quelque sorte de rapprocher les peuples, etc. Oui, il y avait une volonté de rapprocher l'Occident et l'Orient. D'ailleurs, on le voit bien dans l'exposition de l'Institut du Monde très Arabe. Bien, ça se voit très bien. Je dirais que l'Orient Express, qui s'appelle d'abord le train express d'Orient, mais dans la version allemande Orient Express Zug, ça devient en français l'Orient Express, c'est mieux. On voit très bien que c'est le cordon ombilical de l'Europe. C'est-à-dire, non seulement c'est le train, mais c'est le seul train qui, en plus, au prix de difficultés considérables, les intempéries, les retards, les attaques, enfin, etc., sera en général d'une ponctualité extraordinaire. Et j'ai un souvenir étonnant de Maurice Bellonte, l'un des aviateurs du fameux raid Paris-New York, Coste et Bellonte en 1931. Il m'a dit « Oh, monsieur Descartes, vous avez raison de parler de ce train parce que j'étais pilote de la franco-roumaine dans les Carpates et on naviguait dans le brouillard. On ne voyait rien. Alors quand on ne voyait plus rien, on descendait. J'avais l'horaire de l'Orient Express et comme il était toujours à l'heure, on guettait son panache de fumée et on n'avait plus qu'à le suivre. Le train au secours de l'aviation. » Ah, c'est assez incroyable. Oui, c'était la régularité absolue. Oui, 3000... et la sécurité pour transporter le courrier postal du ministère des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay, du Foreign Office, etc. Presque 3200 km en 67h30. Oui, ce qui est un record. Hein. Pour l'époque, ça paraissait fou, en fait. Et voyez-vous, je pense que c'est ça, c'est ce pionnier extraordinaire auquel je pense souvent est toujours à la mode, parce que pour moi, le luxe aujourd'hui ferroviaire est de deux sortes. L'un, qui est le TGV d'aller très vite quelque part sans inconvénient, ce n'est plus un voyage, c'est un déplacement. Et l'autre, de rouler à 50 à l'heure dans un matériel d'autrefois, dans ces trains qui, dans le fond, n'auraient jamais dû bouger, parce que là, ce n'est plus un déplacement, c'est un voyage. Alors, ce voyage qui est encore possible aujourd'hui, nous allons y venir dans un instant. Avant ça, juste un mot, si vous le voulez, Jean Descartes, vous parlez des difficultés qu'on a pu rencontrer, des intempéries, etc. Un mot de l'incident qui a donné l'idée à Agatha Christie d'écrire Le Crime de l'Orient Express. Alors, en janvier 1929, un écrivain britannique, récemment divorcé, qui s'était déjà fait connaître par des romans policiers, tombe sur un reportage dans le Times, mais un reportage qui était dans la presse mondiale, incroyable. Le Simplon Orient Express, en réalité, puisque c'est une des branches créées par le traité de Versailles, c'est une rareté que le traité de Versailles ait créé un nouveau train de luxe, est resté bloqué plusieurs jours à 130 km d'Istanbul par une tempête de neige. Record mondial. Pendant lequel il s'est produit des événements extraordinaires. Un maharaja était affolé parce que ses femmes avaient froid. Pour acheter des œufs, on vendait des diamants. Vous imaginez le prix des œufs dans la banlieue de Constantinople. Bon. Et finalement, la machine qui est venue dégager les congères, le chasse-neige américain, est arrivée au bout de pratiquement une semaine. Pendant Une semaine, ce train était isolé du monde, plus de télégraphe, plus rien. Le personnel a été tellement héroïque qu'il n'y a eu aucune plainte et j'ai eu entre les mains le procès-verbal de satisfaction, je dis bien, des passagers qui soulignent leur contentement devant le comportement du chef de cuisine, du chef de brigade, de tout le personnel technique qui a fait le maximum. Alors ça a été la honte pour la compagnie des chemins de fer turcs, mais ça a donné l'idée à Agatha Christie d'un crime commis dans des conditions que je ne révélerai pas, dans le train immobilisé. Mais il faut bien préciser que dans le véritable fait divers, il n'y avait eu aucun crime. Non, bien sûr, oui, oui. Vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, on parlait du film qui en avait été tiré dans les années 70. Il y a eu d'ailleurs un épisode de la série avec David Suchet, oui, là, il y a quelques années. Le problème ben, c'est que le train est immobilisé. L'adaptation, si vous voulez, on voit bien avec Hitchcock, par exemple, entre autres, ou Renoir. The Lady Vanishes. Oui, par exemple, c'est que la magie du cinéma avec le train fonctionne très bien, puisque la fenêtre d'un compartiment, c'est un écran, dans le fond, c'est un travelling permanent. C'était donc, Michel Butor, la voilà, modification. Le son, le mouvement, l'angoisse, le passage des tunnels, les sifflets, le passage d'un compartiment à l'autre, les poursuites, enfin tous les sons, quand le train est immobilisé, ça perd une magie essentielle, qui n'est pas évidemment dans le roman. Avec vous Jean Descartes, dans un instant, nous la gardons, nous la conservons, cette magie des grands voyages. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. De Pacifique 231 sur Europe 1, composé par Arthur Honegger. On est dans cette atmosphère avec ces machines qui étaient des machines à vapeur, il ne faut pas l'oublier. On pourrait presque dire d'ailleurs que la vapeur sur les quais, par les fenêtres, fait partie de la poésie du train. C'est la composition de la poésie. Il faut bien le dire que le TGV, l'ICE, le Shinkansen japonais, ce que vous voudrez, sont des monstres froids qui ne font pas rêver. D'ailleurs, je note que dans les jouets choisis par les enfants au moment de Noël, les locomotives à vapeur qu'ils n'ont pas connues en circulation sont toujours celles qui ont la vapeur. Parce que c'est magnifique, c'est le mariage parfait de l'esthétique et de la technique. Le mouvement des bielles, moi je fais partie des gens qui aident à conduire de ces machines restaurées. Vous voyez passer un monstre fascinant. C'est vraiment la bête humaine, il n'y a pas de doute. Vous n'avez pas travaillé, vous, sur l'Orient Express? Si, j'ai été conducteur des wagons-lits sur la ligne Paris-Istanbul et sur des lignes plus courtes de Paris à Milan. J'ai appris à servir les petits déjeuners à 140 à l'heure, à réveiller les gens sans me tromper. Mieux. Et puis alors, à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, donc il fallait remplir les feuilles vertes. Il y avait des histoires de monnaie, de change et de chauffage, parce que les chaudières dans les années 70 étaient encore au charbon. Et j'ai eu une cliente qui était très connue, une vraie madone des sleeping. On m'avait prévenu qu'il m'a demandé du champagne. Je lui ai dit, madame, nous n'avons que des demi-bouteilles, on n'a pas beaucoup de place. Elle m'a dit, mais c'est parfait pour deux. Je lui ai dit, madame, je n'ai pas le droit. Enfin bref, j'ai essayé de... Elle m'a appelé après pour me dire qu'elle avait froid. Puis ensuite, elle m'a rappelé pour me dire qu'elle avait trop chaud. Elle était assez peu vêtue. Et comme je continuais à lui dire, madame, j'ai beaucoup de travail, elle m'a regardé, elle m'a dit, vous êtes nouveau sur la ligne. Voilà. Vous êtes un peu mal dégrossi, jeune homme. Ah, règlement. Eh oui, mais ces voyageurs habituels, en quelque sorte, oui, faisaient aussi la fortune de ces compagnies. Il faut le dire, il y a des gens qui voyageaient constamment. Si j'ai inventé le néologisme ferrovipat, dont j'ai hérité de la part d'un de mes ancêtres, mon arrière-grand-père qui ne pouvait pas voir partir un train sans monter dedans, oui, et qui, à propos de quai, était furieux que les troisièmes classes soient toujours arrêtées à un endroit où il n'y avait pas de quai, donc déjà, vous voyez, c'est parce que il y a une magie, le départ. J'aime beaucoup l'arrachement progressif, comme les paquebots d'ailleurs qui partent, c'est ça qui est très beau, c'est un éloignement. Mais j'aimais bien le temps où on pouvait agiter son mouchoir et partir, non pas brutalement enfermé dans un avion qui roule. Alors il y avait bien sûr toute la partie mécanique avec ces machines, ces locomotives extraordinaires. Il y avait évidemment les wagons postaux et de fret qui accompagnaient avec les bagages notamment. Et puis deux types de voitures. Les voitures couchettes, hein, les wagons lits au sens propre, et puis la voiture restaurant. Alors là, c'est la grande épopée. Le premier voyage de 1883 a bénéficié de la présence d'un chef bourguignon, barbu, qui a compris, comme Georges Dengelmacher, ce qu'il fallait faire voyager les estomacs comme les esprits. Et donc, on achetait du ravitaillement en cours de route, ce qui est inouï dans les années 1880, pour que la cuisine devienne roumaine, bulgare, italienne. Quel voyage en même temps que les passagers. Ça, c'est très important et je regrette profondément la disparition des vraies voitures-restaurants. Je signale quand même à la SNCF que les trains rapides russes et allemands ont des voitures-restaurants, même pour aller à 250 à l'heure, car c'est un moment d'évasion, de connaissance, c'est un supplément de voyage et de distraction. C'est très important. Il y a beaucoup de rendez-vous dans un voyage ferroviaire. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, il y a beaucoup d'affaires, de grandes affaires, et même de questions politiques qui se sont réglées comme ça à la table d'un wagon-restaurant. Alors, on peut dire que la façon dont l'Orient Express circulait ou ne circulait pas, par exemple en 1914 ou en 1939, était un thermomètre de la température politique militaire en Europe. Les faux trains qui ont circulé pendant la guerre, le matériel réquisitionné par les Allemands notamment, tout ça, il y a une série d'aventures. Malgré tout ça, il y a eu très peu de crimes réellement à bord de l'Orient Express. Il y en a un qui est répertorié dans les années 1957 avec l'assassinat par des services communistes bulgares sans doute ou roumains d'un attaché d'ambassade américain qui s'est vu démasqué, qui a essayé de s'enfuir par le train. Voilà, et dont on a retrouvé le corps près de Salzbourg. On était en plein dans la guerre froide, évidemment. On était dans la guerre froide. C'est l'époque où les ampoules des compartiments étaient dévissées 25 fois. Vous parlez de 1957, ça a duré jusqu'à quand, ces grands trains de luxe, et notamment l'Orient Express? Alors, le simple Orient Express, qui est un des enfants. Oui, parce qu'il faut dire que, vous avez dit ça tout à l'heure, il y a des embranchements, il n'y a pas un seul trajet. C'est le seul train au monde, un peu comme le Transsibérien, qui est à la fois un train et une famille de trains. C'est ça, voilà. L'Orient Express, qui part donc de la gare de l'Est, et qui suit la voie du Nord. Le Simplon Orient Express, créé en 1919-1920, qui part de la gare de Lyon et qui passe par le nord de l'Italie. L'Arlberg Orient Express, qui passe par la Suisse. Le tout se rejoignant soit à Vienne, soit à Belgrade, etc. De sorte qu'on pouvait prendre le train dans plusieurs destinations. C'est pour ça que c'est un train européen et avec des correspondances à Istanbul, ce que montre très bien l'exposition, si vous voulez, pour aller jusqu'à Alep, pour aller jusqu'à Téhéran. Et j'ai encore eu, moi, dans mes voyages, j'allais dire professionnels, un sujet britannique qui allait de Londres à Téhéran en train en 11 jours. C'était en 1974. Oui, parce qu'on partait de Londres, la voiture était chargée sur Vous pouvez prendre le ferry. Alors, il y avait la version ferry, puis il y avait la version de deux trains différents avec bateau. Et ce qui est bien, c'est que cette nostalgie, on la retrouve aujourd'hui. Bon, ce que je regrette dans l'exposition, ce que je regrette dans l'exposition, c'est que les voitures exposées ne sont pas les plus belles qu'on ait construites, puisque ce sont celles qui roulent sur le Venise, Simplon Orient Express. Donc, disons qu'en 1977 a lieu l'arrêt officiel, ce qui est un peu excessif comme formule, de l'Orient Express. Disons que c'est le direct Orient, la liaison directe en wagon-lit Paris-Istanbul. Immédiatement, des nostalgiques, des ferrovipates dans mon genre disent « ça n'est pas possible ». Et il y a une vente aux enchères à Monte-Carlo que j'ai couverte pour le Figaro. Des voitures lits, des voitures restaurants, des voitures salons sont rachetées. Beaucoup allaient être détruites. Malheureusement, beaucoup l'ont été. J'ai participé au rachat d'une voiture présidentielle française de 1890. Et je ne savais plus quoi en faire. Pour la mettre dans mon salon, c'était un peu délicate. Bon, elle roule ailleurs aujourd'hui. Et on a constitué, alors il y a un Suisse, il vient de disparaître, je rends hommage à Albert Glatt, qui était un Zurichois, qui a été le premier à dire « c'est pas possible, faut sauver ce matériel » et qui a inventé le Nostalgie Orient Express de Zurich à Istanbul, sous la forme de trains croisières 2-3 fois par an. Et puis, un Américain qui avait fait fortune dans le transport par conteneur, James Sherwood, a fondé, pour résumer, le Venise Simplon Orient Express, qui lui est un train régulier, circulant 2 à 3 fois par semaine. Alors il y a une partie qui fait Londres, la côte Douvres ou bien Folkestone. On prend un bateau et à Boulogne, on retrouve ce qu'on appelle la rame continentale, c'est-à-dire les plus belles voitures, celles des années 30, voitures restaurant, voitures lit, voitures salon, voitures bar, pour aller à Venise via Paris toute une nuit. Et c'est merveilleux de savoir qu'on s'est très préoccupé de faire un itinéraire le plus long possible pour que les gens profitent du train une soirée, une nuit et une journée. Nous avons eu l'occasion ensemble, cher Jean, de faire des voyages dans les voitures restaurants de Absolument. Ces grands trains, le train bleu, la Flèche d'Or, etc. Non. C'est Michel Fremder qui gère ça maintenant, nous Absolument, le savons. Oui. Et ce sont des voitures qui donnent une idée de ce que pouvait être le luxe bien, hein, c'est-à-dire du décor. Vous avez raison, on prenait... Les cristaux de Lalique. Voilà, on commandait aux plus grands artistes de l'époque, alors Lalique, Nelson, Morrison, Proust, peintre, ébéniste, artiste du verre. Alors, il fallait noter que ce matériel devait résister à toutes les intempéries, à toutes les vibrations. Et en même temps, il y avait un cahier des charges. Il ne fallait pas que ce soit trop lourd. Ces voitures restaurants, ces voitures lits, comme on peut les voir encore à l'exposition de l'Institut du Monde Arabe, pèsent chacune 60 tonnes. Parce qu'elles sont en métal. On a dit adieu, évidemment, au bois de teck depuis longtemps. La seule voiture en bois de teck qu'on puisse voir aujourd'hui, c'est la fameuse voiture de l'armistice à Rotonde. Oui, oui. Donc, ça fait des poids lourds. Il fallait quelquefois deux vite, et évidemment. Trois. Mais non, mais le but, c'est de ne pas rouler vite. c'est ça. On paie très cher pour rouler lentement. Je me rappelle, au cours d'un de ces jolis voyages que j'ai eu la chance de faire, et en même temps, on fait des repas gastronomiques, enfin, tout ça est très agréable. Oui. Et la personne que j'avais emmenée me dit, mais quand est-ce qu'on démarre? J'ai dit jamais, ça roule, nous sommes au plein régime de croisière, ça ne va jamais plus vite que ça, mais ça, c'est ce qui fait partie du plaisir. Oui, d'ailleurs, justement. Ces voitures étant classées monuments historiques, la vitesse est limitée. Et par exemple, sur le trajet du Venise-Saint-Florent Express, sur la pente de l'Arlberg, c'est très difficile, il faut les conducteurs attentionnés dans les freinages. Et là, les chemins de fer autrichiens sont obligés de mettre deux machines, voire trois. Deux qui tirent et une qui pousse à l'arrière parce que la rampe est très forte. Et quand vous avez une quinzaine de voitures de 60 tonnes chacune, c'est très très lourd. Il était une fois l'Orient Express, c'est donc le titre de cette grande exposition qu'on peut voir encore pendant 4 jours. Il faut vraiment, quand je dis 4 jours, oui, enfin jusqu'à dimanche tout simplement, à l'Institut du Monde Arabe avec ce beau catalogue qui est publié par l'Institut et avec des textes, beaux textes de Jean Descartes notamment. Et puis bien entendu, pour tous ceux qui voudraient creuser la question, qui voudraient en savoir davantage sur Georges Pullman, sur Georges Nagelmacher et sur tous les autres, il suffit d'aller consulter votre Bible, Jean Descartes. Car c'est un très gros bouquin, édité par Plomb, bien entendu, le dictionnaire amoureux des trains. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Valérie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait savoir pourquoi les présidents de la République se sont installés à l'Élysée. Ça me rappelle une émission que nous avions consacrée il y a 2 ans maintenant, un numéro de L'ombre d'un doute à la télé sur l'Élysée. On avait raconté toute l'histoire de cette maison, dont il ne faut pas oublier quand même que c'est déjà le plus grand hôtel particulier de Paris. Quelque chose d'extraordinaire, l'Élysée. C'est, on l'appelle Palais de l'Élysée parce que c'est une demeure d'État, bien entendu, mais c'est d'abord un hôtel particulier. C'était l'hôtel du comte d'Evreux, qui avait été acheté par Madame de Pompadour, s'il vous plaît, hein, la favorite de Louis XV. Et Madame de Pompadour avait fait de cette maison l'une des plus somptueuses de Paris, bien entendu. Alors ensuite, ça a été la demeure de la duchesse de Bourbon. Sous l'Empire, c'est devenu la demeure de Joachim Murat et de son épouse, la sœur de Napoléon, qui a donné là des bals extraordinaires. Il faut dire que pendant la Révolution, c'était devenu plus ou moins une guinguette. Et quand je dis une guinguette, je suis gentil, il y avait un petit côté maison close aussi. Enfin voilà, ça a été un peu tout ça. Tout ça à l'Élysée. Mais surtout, à partir de 1848, on y installe le tout premier président de la République, enfin président de la Deuxième République, c'est-à-dire le prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui est élu donc en décembre 1848. Et évidemment, on ne veut pas mettre un Bonaparte qui est le neveu de Napoléon, on ne veut pas aller l'installer aux Tuileries, vous imaginez, dans les meubles de tous les rois, de Louis XVIII, de Charles X, de Louis-Philippe. Alors on dit, où est-ce qu'on pourrait l'installer? Oh, il y a cette espèce de grand hôtel particulier qui est pas très loin des Tuileries, qui est dans un état épouvantable, c'était plein de toiles d'araignées, c'était un endroit pas possible. Et comme les députés n'aimaient pas ce prince président, eh bien c'est là qu'ils l'ont collé un peu comme en punition. Et puis, par la suite, on va voir les présidents s'y installer. Alors après la chute du Second Empire, il y a toute la parenthèse de Versailles. Et puis, à partir de 1873, c'est le deuxième président de la Troisième République, c'est-à-dire le maréchal de Mac Mahon, qui, lui, va venir tranquillement en 1873, donc s'installer à l'Élysée. Et depuis, tous les présidents des 3, 4 et 5e Républiques ont résidé ici, même si certains, c'était le cas du général de Gaulle, n'aimaient pas vraiment la maison.